Section 16 de Poète maudit. La chanson des ingénues de Paul Verlaine. Enregistrée pour LibriVox.org. Nous sommes les ingénues, au bandeau plat, à l'œil bleu, qui vivons, presque inconnus, dans les romans qu'on lit peu. Nous allons entrelacés, et le jour n'est pas plus pur que le fond de nos pensées, et nos rêves sont d'azur. Et nous courons par les prés, et rions et babillons, des aubes jusqu'aux vesprées, et chassons aux papillons. Et des chapeaux de bergère défendent notre fraîcheur, et nos robes, si légères, sont d'une extrême blancheur. Les richelieux, les caussades, et les chevaliers faublas, nous prodiguent les œillades, les saluts, et les « hélas ». Mais en vain. Et leurs mimiques se viennent casser le nez devant les plis ironiques de nos jupons détournés. Et notre candeur se raille des imaginations de ces raseurs de murailles, bien que parfois nous sentions battre nos cœurs sous nos mantes à des pensées clandestins, en nous sachant les amantes futures des libertins. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram.